Le journal Internet sud-coréen Minjok Ilbo, en date du 14 juillet, a présenté un éditorial demandant la liquidation de tous les abus et la libération des détenus de conscience. L'auteur a souligné qu'il faut punir sévèrement la bande traîtresse de Park Geun-hye qui fait la malade dans la prison, liquider strictement leurs abus et libérer tous les détenus de conscience.